CKRL 89.1. Bonjour, bienvenue à cette dernière édition de l'été de l'émission Les Oreilles ailleurs. À compter de la semaine prochaine, l'émission est à 15h au lieu de 15h30. Cette semaine, c'est une émission entièrement en chinois. On va d'abord débuter avec quelques-unes des chansons qui ont meublé le Modern Sky Festival de 2013 à Beijing et Shanghai. Modern Sky Festival, je vais vous en parler après qu'on ait écouté une première de ses chansons. Zhe Liang Hong, c'est de Li Qi. C'est d'un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quand même un an et demi. Et j'étais contente de voir qu'il était de la distribution de ce festival. On écoute PK 14. Thank you. Petit problème technique, ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? J'ai d'abord commencé par Luoxian Tuan, finalement, et non PK14. Là, je vais vous présenter PK14, mais avant, je vais vous parler du festival Modern Sky Music. Modern Sky, d'abord, c'est une maison de disques indépendante en Chine, basée à Beijing. C'est une maison de disques qui a démarré en 1997, mais qui a commencé à faire des spectacles un peu partout en Chine, à peu près au moment où ils ont commencé à en disquer. Et ça n'a pas toujours été facile, parce que c'est pas facile avec les autorités chinoises quand vous êtes des groupes, disons, indépendants, qui n'avaient pas nécessairement dans vos paroles des mots, des phrases qui plaisent aux autorités chinoises. Disons ça comme ça. C'est pas toujours facile. Ils ont eu parfois des bâtons dans les roues. Ils ont voulu faire venir des groupes occidentaux. Ça n'a pas toujours été possible. En 2003, entre autres, ça leur a été carrément refusé. Mais c'est comme ça en Chine. Vous savez que ça fonctionne à partir du moment où ça débute. Et encore là, vous ne savez pas si ça va se terminer. Donc, je vous avais commencé par vous présenter Luoxian Tuan. Il est de la province de Guangxi. Ça, c'est dans le sud de la Chine. Ils ont un nom chinois qui s'appelle Life Journey. Ils sont sous Modern Sky Records, entre autres, et pas seulement sous Modern Sky Records. PK14, c'est un groupe post-punk indie rock. Disons qu'ils ont débuté un peu plus punk que rock. On peut trouver d'ailleurs, dans le cas de PK14, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des disques d'eux dans Bandcamp. C'est un groupe influent en Chine. Ça, c'est intéressant. Leur premier album est sorti en 2001. Eux, ils ont été formés en 1997 à Nanjing et ils se sont installés à Beijing à partir de 2001. Et c'est quand même un groupe important. Ils ont été sélectionnés par le Time Magazine comme un des 5 groupes les plus influents en Asie en 2008. Ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas? Le nom, en fait, PK14, veut dire Public Kingdom of 14s. Et ils chantent uniquement en mandarin. Je vais revenir un peu, je vais vous présenter donc la chanson Zilang Ong Sedeli Che. Avant, ce que je devais présenter, c'était Kanku King Chun de Lu Xing Tuan. Mais je vais d'abord vous parler de Modern Sky Festival. C'est un festival, donc, je vous l'ai dit, qui a démarré en 2007 à Beijing. Il y a une bonne partie du festival qui est de la musique folk, mais aussi il y a de la musique électronique, il y a de l'indie rock. La première partie, d'ailleurs, ça va être beaucoup indie rock, puis après ça, ça va être beaucoup plus folk. Il y a plusieurs nouveaux... C'est un festival qui présente plusieurs nouveaux artistes, donc c'est un festival qui est en bonne part, un festival de musique émergente. Et c'est ce qui est intéressant de Modern Sky Festival. J'ai retrouvé un album qui est sorti en 2013, un album double dans lequel il y a plusieurs des groupes qui ont joué en 2013 au festival qui avait lieu à ce moment-là, à la fois à Beijing et à Shanghai. Dernière chose que je vais vous dire avant de vous faire écouter PK14, c'est que le Modern Sky Festival s'est installé à New York en 2007. Ils ont une succursale, là, à la maison de disques, mais aussi la maison qui produit des spectacles, parce qu'ils font les deux. Et cette année, pour la première fois, ils vont présenter le Modern Sky Festival à New York, à Central Park, les 4 et 5 octobre prochains. Alors, si vous allez à New York, au début du mois d'octobre, bien, vous pourrez peut-être aller voir ce festival qui va se dérouler pour la première fois dans la grande ville de New York. Donc, on va écouter Tse Liang Hong Se Die Chi de PK14.

看风景，我们俩划着船儿看风景啊看风景，把船磨漏了，把水磨锈了，把船磨漏了，把水磨锈了，我们俩走在路上看风景啊看风景，我们俩走在路上看风景啊看风景，把路磨旧了，把鞋磨臭了，把路磨旧了，把鞋磨臭了。 C'était Second Hand Rose qu'on entendait dans une chanson qui s'intitule Clingy. Second Hand Rose, c'est aussi un groupe qui est en montée actuellement en Chine, un des bons groupes. C'est un groupe que j'ai découvert aussi il y a quelques mois. Je crois, j'ai cru comprendre, faudra que je revérifie dans le line-up, excusez-moi le terme, de la version new-yorkaise du Modern Skies Festival, mais j'ai cru comprendre qu'ils allaient être présents à New York. En tout cas, ils sont venus jouer en Amérique. On va terminer cette première demi-heure avec un groupe qui s'appelle Wan Neng King Nian Lu Tian. Et la chanson, c'est Zai Zé Ké King Xing Xing Suo Yu De Yu Guan. 闪电的脾气就不再迷惑，就不必了解自己、世界和他人，每天只管被微风吹拂，与梦呼叹气。 街交付与梦境和优美的浪潮。这颗星星所有的之光，青春自由似乎理所应得，面向涣散的未来，只唱情歌科学和啤酒都不能安抚的夜晚，他们丢失了四季，黄河之心开始，这颗星星所有的酒馆无法听到远方的呼喊， CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Vous n'avez pas assez de temps pour vous et votre famille? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage, le cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie à 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 1-844-255-LAV, 1-844-255-5283. Visitez notre site web pour les promotions en cours, www.gestigroup.com. Le Triplex suspendu, un lieu privilégié pour les familles, les écrivains, les étudiants, les amoureux, les travailleurs. S'il pouvait parler, il vous raconterait des histoires. De parents heureux, les étudiants faisant la révolution autour d'une bière, le son des pieds qui dansent lors des spectacles. Ah, le Triplex suspendu, bistrot culturel, familial et festif. Socialement responsable, musicalement chaud. Je t'aime, les moelleux. M'aimes-tu? Flamenco, tap celtique, gumbo d'Afrique du Sud. Vous pouvez maintenant vous inscrire à la session d'automne de l'École de danse Migration. Classe de niveau initiation intermédiaire et avancée en flamenco, tap celtique et gumbo. Obtenez une réduction de $15 en utilisant le code de promotion CKRL au moment de votre inscription. Horaires et inscriptions à migrationavecuns.danse.com. À découvrir, Raton Lover, un groupe aux accents indie qui nous présente son tout premier spectacle au Théâtre Petit Champlain. Une prestation riche en mouvements où les multi-instrumentistes font grimper l'atmosphère au rythme des chansons à la fois sensibles et énergiques. Raton Lover, le 11 septembre au Théâtre Petit Champlain. Réservation 692-2631 ou théâtrepetitchamplain.com. Nouvel album disponible en pré-vente sur iTunes. Je suis parti, le temps a bien joué son rôle. T'es mal pris, pis là tu changes ton fusil d'épaule. The Silver Mount Zion Memorial Orchestra a été formé en 1999 par trois membres de Godspeed You Black Emperor. Selon Pitchfork Magazine, bien qu'ils partagent avec Godspeed une profonde méfiance de l'autorité, les membres du projet diffusent leurs idées par des moyens plus accessibles. Des interviews, une plus grande interactivité sur scène, des paroles auxquelles nous pouvons tous nous joindre et des chansons aux hymnes plus rock et viscéraux. The Silver Mount Zion s'arrête au Cercle le 12 septembre prochain. Des billets en pré-vente sont disponibles sur le-cercle.ca. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1 et c'est l'émission Les Oreilles ailleurs jusqu'à 17h30. On poursuit notre excursion musicale du côté de la Chine. Cette fois-ci avec un groupe qui s'appelle Da Bang ou Bigger Bang Bang. Da Bang, c'est un groupe qui a été formé en 2009. C'est un groupe, j'ai lu quelque part, c'est un groupe qui au début était procédait beaucoup par imitation, les comparait beaucoup à Yeah Yeah Yes, un groupe américain, mais ils ont de plus en plus à mesure que les années passent, ils trouvent leur propre style. Donc en 2013, ils avaient quand même atteint une certaine maîtrise de leur musique. La chanteuse du groupe s'appelle Poppy SCL, qui disait dans une entrevue qu'ils essaient de plus en plus de créer, de faire des choses originales plutôt que de simplement reproduire ce qu'ils entendent, ce qui se fait ailleurs. Ça m'a fait rire quand j'ai lu ça parce que on le sait, pas se le cacher, la Chine c'est un pays qui fonctionne beaucoup en reproduisant les marques connues. Enfin, il y a plein de choses comme ça, de produits comme ça qui nous proviennent, pas seulement de la Chine, il faut le dire, là, mais qui proviennent de la Chine, mais qui sont en réalité des imitations ou des fausses marques connues. Et là, je me suis dit, tiens, du côté de la musique, mais c'est pas la même chose, vous allez me dire, parce qu'en musique, c'est normal quand un groupe débute qu'il essaie d'abord de bien maîtriser sa musique, et pour ça, c'est un peu comme les écrivains, quoi, on est un peu influencé par le style des écrivains qu'on aime beaucoup, et puis tranquillement, pas vite, on développe notre propre style. On va les écouter, Da Bang, dans une chanson qui s'intitule Love becomes the ghost in the back of your head. C'est en chinois tout de même. 心里太久不知去向的混乱的爱，贪婪的爱，沉重的无法前行，轻便的随时购买。哦，爱，我们都渴望爱，慌张的搜寻着，爱变成你身后。 On a un groupe intéressant, on va poursuivre, on va s'en aller tranquillement, pas vite, vers musique un peu plus folk. On va aller voir écouter Fenglin Zhu dans une chanson qui s'appelle Fuyun. J'ai rien trouvé sur Fenglin Zhu, mais je trouve intéressant ce qu'ils font. Et ils sont sur le disque dont je vous ai parlé, Modern Sky 2013, Modern Sky Festival 2013. C'est un album qu'on peut se procurer facilement. Vous fouillez Modern Sky Festival, vous allez trouver cet album. Ensuite, Xiaoli, dans une chanson qui s'intitule Liu Mang. Wan Xiaoli, c'est un chanteur de folk rock assez populaire quand même à Beijing, qui écrit lui-même ses chansons. Ensuite, Yunpeng Zhu. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une vidéo de lui sur TED Talk. Vous savez, cette TED Talk, ces fameuses présentations, vidéos que les gens font sur toutes sortes de sujets. Il y en a sur la musique, entre autres. Et Zhu Yupeng a parlé de lui au TED Shanghai 2013. C'est assez particulier, son parcours de vie, son parcours musical, parce qu'il est aveugle depuis l'âge de 9 ans. Ensuite, on va terminer avec une très belle chanson de Don Gaisang. La chanson s'appelle Dong Xiao Ji. Allons-y d'abord avec Fenglin Zhu, Fu Yun. Thank you. la la la. Oh. 韩莹堂唐玲尹春生方彩阳何满子于秀 林。Si vous étiez attentif depuis tantôt, quand j'ai nommé les pièces qui se suivent, ça devait être Xiao Li Wan qu'on aurait dû entendre Xiao Li Wan dans Liu Wang, mais on a plutôt entendu Yong Peng Zhu, ce chanteur chinois de folk aveugle dont je vous avais parlé, dans la chanson Chen Muru Mi De Hu Xi. On va entendre Xiao Li Wan maintenant. Et ça va être suivi de la chanson Dong Xiao Ji de Dongyi Sky. 我心里一发热，我什么也没想，上去就给了那个家伙两巴掌。哎嘿，我表现得很勇敢。哎嘿，那个姑娘得救了。哎嘿，我有一些脸红了，但是我满足了。谁知那个姑娘突然变了模样，一把抓住我那一破烂的衣裳，她柳眉倒竖起来，眼里露着凶光，疯狂的话之下，你反了你呢？哎嘿，那个姑娘还说，你凭什么打我的情郎？这是得给我买的衣裳。一下又有何妨啊？那一天我出门碰见个姑娘，她穿的衣裳真漂亮，我站在一旁偷偷的欣赏，她长得真美，我想走过来个老头，感觉像个流氓，动手就要拽那个姑娘的衣裳，我心里一发热，我什么也没想，上去就给了那个家伙两巴掌。哎嘿，我表现得很勇敢。那个姑娘得救了，哎嘿，我有一些脸红了，但是我满足了。谁知那个姑娘突然变了模样，一把抓住我那一破烂的衣裳，她柳眉倒竖起来，眼里露着凶光，狂流而之下，你反了你呢？哎嘿，那个姑娘还说，你凭什么把我的情郎？这是得给我买的衣裳，她动一下又有何妨啊？哎呦，这可了不得了，哎呦，我闯下祸了。哎呦，那个姑娘急了，她说我是个流氓。到底谁流氓？到底谁流氓？到底谁流氓？到底谁流氓？到底谁流氓？到底谁流氓？ 小姐，你从没忘记你的微笑，就算你和我一样渴望着衰老。董小姐，你嘴角向下的时候很美，就像安河桥下清澈的水。小姐，我也是个复杂的动物，嘴上一句带过，心里却一直重复。董小姐，鼓楼的夜晚，时间匆匆，陌生的人，请给我一支蓝珠。所以那些可能都不是真的，董小姐，你才不是一个没有故事的女同学。

Selon Pitchfork Magazine, bien qu'ils partagent avec Godspeed une profonde méfiance de l'autorité, les membres du projet diffusent leurs idées par des moyens plus accessibles. Des interviews, une plus grande interactivité sur scène, des paroles auxquelles nous pouvons tous nous joindre et des chansons aux hymnes plus rock et viscéraux. The Silver Mount Zion s'arrête au Cercle le 12 septembre prochain. Des billets en pré-vente sont disponibles sur le-cercle.ca. C'est la troisième demi-heure de l'émission Les Oreilles Ailleurs. C'est aussi la dernière fois que l'émission dure 2 heures, à compter la semaine prochaine. C'est à 15h, de 15h à 16h, puisque l'émission Topic du Capricorne de notre ami Michel Bonaparte revient, elle, à 16h. Puis hâte de réentendre notre ami, hâte de réentendre Michel. On va consacrer cette demi-heure et la suivante à un artiste que j'aime beaucoup. À mon avis, un des meilleurs en Chine, qui s'appelle Zhou Xiao Zhou Zhou. Il a débuté sa carrière en 1993. Il est dans la continuité de Sui Qian. Sui Qian qui est un... probablement, en tout cas, on le considère comme le grand-père, j'aime pas le mot grand-père, mais du rock chinois. C'est... je ne sais pas si je l'avais raconté une fois, peut-être que vous allez vous en rappeler, quand il y a eu cette fameuse, en 1989, cette fameuse révolte des étudiants à Tiananmen, sur la place Tiananmen. Il était là avec son orchestre et ils ont joué sur place et on lui a reproché par la suite, les autorités chinoises lui ont mis des bâtons dans les roues par la suite, Sui Qian. Zhuo Xiao Zhu Zhu est aussi, disons, plus ou moins aimé des autorités chinoises. C'est comme ça là-bas. Il est, en fait, d'une manière générale, les autorités sont réfractaires à la culture rock occidentale. J'avais parlé un peu de ça au début de l'émission, même avec le festival Modern Sky. C'était pas toujours facile. Aux valeurs de rébellion contre l'autorité, surtout, même aux valeurs d'amour libre qu'elle véhicule, c'est comme ça. Bob Dylan a donné un concert à Beijing en 2011. Enfin, ça avait été compliqué. Il avait fini par pouvoir donner un concert en 2011. Zhuo Xiao Zhu Zhu a souligné que c'était le plus talentueux des musiciens de rock et de folk des années 1960. Et il a beaucoup inspiré Zhuo Xiao Zhu Zhu parce qu'il était très critique du gouvernement et voyait le rock comme une voie pour les faibles et les classes inférieures. Zhu Zhu dit de Bob Dylan qu'il lui est très reconnaissant de l'influence qu'il a eue sur lui. Donc, on va l'écouter pendant la prochaine heure. On va d'abord écouter une pièce qui s'appelle Xiao Li. Ensuite, on va écouter Better Ghost et The Extension of Ping An Avenue. Toutes les trois et toutes les autres pièces de l'art qui suit sont tirées d'un album qui s'intitule Live. All the Best Live de Zhuo Xiao Zhu Zhu. Un album aussi qu'on peut se procurer en fouillant un peu, vous allez trouver. C'est un album qui est paru en 2013. On commence donc avec Xiao Li de Zhuo Xiao Zhu Zhu. 小李啊，谁能像我这样对你？我多想，吻上你狗把钟头，到了南方就离你太远。想起歌，我的心儿就碎了。 想起歌，我的心儿就碎了。如果我吻你，你就微笑，我就吻你。小李啊，谁能敢像我这样对你？ 他就不怕我打破他的头，但是法律这玩意可怕哟。想起哥，我的心儿就碎了，想起哥，我的心儿就碎了，想起哥，我的心儿就碎了，想起哥，我的心儿就碎了。杀在我身上的忧愁哑巴，只有你才知道我的心肠。如果我能利用现在的时光，会把我对他说的情话说光。就微笑，我就问你，小丽呀，谁能能像我这样对你？我多想吻上你狗把钟头，到了南方就离你太远。想起哥，我的心儿就碎了。想起哥，我的心儿就碎了。想起哥，我的心儿就碎了。想起哥，我的心儿就碎了。傻瓜，你是我心中的霞光，小丽呀，小丽呀，谢谢你借给我钱花，谢谢你借给我钱花，小丽呀，小丽呀，我愿做你的小傻瓜。是我心中的霞光，小丽呀，小丽呀，小丽呀，小丽呀，小丽呀。 姐，可爱的小伙子。我就这样陷入颓丧，他很深地侵入我的无知，他轻易地把我赶进了墙包里。仿佛又对我说，兄弟，你姐姐今天会回来的早，她答应如果在五点前机不早课。就在工厂里偷快递，趁供销社没有打烊之前卖掉它。给你带回一瓶乐百氏， 这一个人。家呀，你在路边追猎者，当你来到他身边，和你想象的不同，他不会像以前那样问你，你会感觉有种东西在向你袭来，不是失落，只是很悲伤。亲爱的朋友，当你走在平安大道，上就去平安大道，一个人感到失落，就不要去平安大道。小店，满日扎生活拼命眼睛一折，整个人看上去都在笑，很多人陪着你笑，他花5块钱去你的店买酒，你偶然找给他5块5，说他是你的爱人。亲爱的朋友，当大海不叫平安大道时，我的兄弟对我说，一个人感到悲伤，就去平安大道。一个人感到失落，就不要去平安大道。 就去平安大道。 Depuis tantôt, on écoute le chanteur chinois Zuo Xiao Zuzu. Ça s'écrit Z-U-O-X-I-A-O, Z-U-Z-H-O-U. Et les pièces qu'on écoute, qu'on entend, sont tirées de l'album All the Best. Ce sont toutes des pièces qu'il a chantées en direct, live. On termine cette demi-heure avec Listening Like a Child.

Je vous rappelle Zhou Xiao. Zhou, c'est un artiste, c'est un chanteur qui vit et qui se produit principalement en Chine. Pas uniquement, il arrive qu'il va ailleurs qu'en Chine, mais il se produit surtout en Chine. Toute l'émission, d'ailleurs, a été consacrée à des artistes qui vivent, qui se produisent en Chine et à l'occasion ailleurs dans le monde. Comme je vous ai raconté en début d'émission, il y a le 4 et 5 octobre, à New York, à Central Park, un festival qui est organisé par une maison de disques indépendante qui s'appelle Modern Sky. Le festival Modern Sky Festival à New York. Et c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs dans la première demi-heure des artistes qui se sont produits dans le Modern Sky Festival, mai de 2013. De Zhou Xiao Zhou Zhou, on va écouter When I Left You, suivi de Night of Ulaanbaatar. 当你听说我要离开家乡的时候，亲爱的人儿，你不一定非哭不可。当你看到冷眼离开旁我的时候，亲爱的人儿，你不一定非笑不可。

Vous êtes à l'antenne du 89.1 CKRL à Québec et c'est toujours l'émission Les Oreilles Ailleurs qui se poursuit jusqu'à 17h30. Et depuis 16h30, on entend des pièces du chanteur Zhuo Xiaozuzu. Il est de la Chine. J'ai devant moi la pochette de l'album dont sont extraites ces pièces. C'est magnifique. C'est épuré, très épuré. C'est sur fond blanc. Il y a une colonne où on voit en caractère chinois le titre de l'album sur deux colonnes. En dessous, sur une colonne en noir, probablement le nom du chanteur, Zhuo Xiaozuzu. Et en dessous, 2010, All the Best Live. Mais sur le dessus, il y a un chapeau. Et ce chapeau me fait penser à Leonard Cohen. C'est le type de chapeau que Leonard Cohen met quand il fait ses spectacles. Et je regardais cette pochette et je me disais, j'aimerais bien voir ces deux artistes chanter ensemble. Je crois qu'ils s'entendraient très bien. On poursuit donc notre écoute de Zhuo Xiaozuzu avec la chanson Money Song tiré de All the Best Live. Yeah. 钱给朋友，也会失去钱失去朋友。 Shut up. c'est ainsi que se termine l'émission Les Oreilles Ailleurs pour cette semaine. C'est la dernière de l'été. À compter de la semaine prochaine, je serai en onde à partir de 15h le dimanche après-midi, 15h à 16h. Tout juste avant l'émission Topic du Capricorne de Michel Bonaparte. Ça fera bien plaisir de le réentendre à nouveau en onde à CKRL. Je vous rappelle que nous écoutions le chanteur chinois Zhuo Xiao Zuzu depuis une heure. C'est tiré de l'album Live All the Best, un album paru en 2010. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réentendre l'émission soit sur la page de l'émission sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Vous cherchez l'émission Les Oreilles Ailleurs et vous allez dans la programmation et vous allez avoir un lien vers la page de l'émission. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net, lesoreillesailleurs en un seul mot.net, où je mets habituellement une heure trente, peut-être plus rapidement cette semaine après l'émission, je mets toutes les pièces qui ont joué pendant l'émission. Et je mets aussi le podcast, la balado-diffusion de l'émission. Vous pouvez aussi m'écouter sur TuneIn, T-U-N-E-I-N. C'est un petit logiciel, mais c'est aussi un site qui diffuse à la fois des émissions de radio, à la fois des postes de radio, pardon, dont CKRL, mais aussi des émissions d'un peu partout dans le monde, dont lesoreillesailleurs.net depuis environ 3 semaines. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et à dimanche prochain à 15h. C'est l'émission Racines musicales qui suit, une émission qui vous présente le reggae, on peut dire, sous toutes ses coutures. Je vous bonne semaine à tous et n'oubliez pas, il faut écouter de la musique, oui, mais il faut aussi sortir, aller marcher, prendre l'air. Ça fait du bien et on peut combiner les deux. On peut écouter la musique avec son lecteur de balado, prendre l'air et pourquoi pas réécouter Les Oreilles Ailleurs. Au revoir. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeu, dessin et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 14 septembre 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Flamenco, tap celtique, gumbo d'Afrique du Sud. Vous pouvez maintenant vous inscrire à la session d'automne de l'École de danse Migration. Classe de niveau initiation intermédiaire et avancée en flamenco, tap celtique et gumbo. Obtenez une réduction de $15 en utilisant le code de promotion CKRL au moment de votre inscription. Horaires et inscription à migrationavecuns.danse.com. En septembre, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 7 septembre, l'événement Kino Québec. Le 10, les rencontres internationales du documentaire de Montréal débarquent à Québec et présentent le documentaire Le Baiser de Tosca. Le 17, les aventuriers voyageurs en Birmanie. Le 18, l'Opéra national de Paris, La Traviata. Le 21, l'événement Antitube. Cet automne, procurez-vous la carte Abonne Clap 10 ou 15 films et économisez jusqu'à 40% sur le prix régulier. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. The Silver Mount Zion Memorial Orchestra a été formé en 1999 par 3 membres de Godspeed You Black Emperor.